إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. L'intitulé du cours concerne la méditation de certains versets du Coran. Al-Qur'an, qui est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala incréée. Elle nous parvient d'Allah et vers lui elle retournera. Le Coran est un des livres sacrés révélés par Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu mettre un terme à la révélation des livres sacrés. Le Coran a prééminence et a le dessus sur tous les livres sacrés révélés auparavant. Ceux qui nous sont cités, qu'on connaît, et ceux qui n'ont pas été cités, comme As-Suhuf, les feuillets révélés à Ibrahim alayhi salam et à Moussa alayhi salam, la Torah, At-Tawrah, révélé à Moussa alayhi salam, comme Az-Zabour, les psaumes révélés à Daoud, David alayhi salam, comme l'évangile, l'Injil, révélé à Isa ibn Maryam alayhi salam. Wa al-Qur'an a été révélé au dernier et au meilleur et au maître de tous les prophètes, notre prophète Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Le Coran, sa lecture en elle-même, elle est méritoire. Elle a une valeur et une récompense bien précise. Comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit: celui qui récite une lettre du Coran aura une récompense. La récompense est multipliée par 10. Je ne dis pas que ألف لام ميم est une lettre, mais ألف est une lettre, لام est une lettre et ميم est une lettre. Le Coran, celui qui le lit de la meilleure des manières, c'est-à-dire c'est celui qui le lit avec méditation, concentration, humilité, et le met en pratique. Ça, c'est la véritable récitation du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala l'élève. Tandis que d'autres qui n'ont pas récité le Coran comme il le fallait, qui ne l'ont pas mis en pratique, ceux-là seront rabaissés et assivilis. Comme Nous le dit bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Certes, Allah élève par ce livre des personnes et en rabaisse d'autres. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le Coran pour faire vivre les cœurs des vivants et pour être un guide, une guérison et un mode de vie dans ce bas monde. Il n'a pas été révélé pour les morts, contrairement à certains qui ne pensent au Coran que lorsqu'il y a décès. Certains, lorsqu'ils entendent la récitation du Coran, ils pensent que des gens sont en deuil. Certains qui prennent le mushaf, le livre du Coran, comme décor, dans le salon ou dans les pièces, et ne le récitent pas, et plus que cela, ne le mettent pas en pratique. Allah nous dit dans le Coran, « أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا » Ne vont-ils pas méditer, se concentrer sur le Coran, ou alors les cœurs ont été scellés, cadenassés, des cadenas ont été mis sur les cœurs. Donc les cœurs sont fermés, ne peuvent plus réfléchir, ne peuvent plus faire le travail qui leur est demandé. Et Allah dit aussi dans l'autre verset, « أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا » Ne vont-ils pas méditer sur le Coran? Et si ce livre provenait d'autre que Allah, ils auraient trouvé dedans beaucoup de divergences, de contradictions, de passages qui s'opposent les uns aux autres. Mais un des signes qu'il provient d'Allah, c'est qu'il n'y a pas de divergence là-dessus, que tous les versets viennent confirmer les autres versets. Il n'y a aucune contradiction là-dessus. Si ce n'est de certaines personnes qui pensent, de par leur ignorance, que des versets, des passages du Coran sont contradictoires. Mais lorsqu'ils vont retourner aux gens de science, aux gens de la spécialité, qui connaissent la signification du Coran et de ses versets, qui ont étudié l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et des imams et des ulama du tafsir, ils vont avoir réponse à leurs questions et l'ambiguïté sera dissipée et enlevée. Et comme l'a bien dit Allah, tabaraka wa ta'ala, fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Et demandez aux gens du rappel, aux gens de la science religieuses qui ont la connaissance du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque vous ne savez pas. Nous allons lire ensemble, incha'Allah, quelques réponses des fatawa du grand imam, le sheikh, le mufti Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ce grand savant de l'islam, ce grand savant de la sunna, né en l'an 1330 de l'Égypte, mort en l'an 1420 de l'Égypte, aux environs, il est né en 1910 et il est mort en 1999, rahimahullahu ta'ala, et de son époque, il était le grand mufti du royaume d'Arabie Saoudite. On a compilé ses ouvrages, ses écrits, les articles qu'il a écrits et émis, alayhi rahmatullah, dans un recueil qu'on appelle Majmou' al-Fatawa. Et cette compilation avait débuté de son vivant, alayhi rahmatullah. Et donc, dans ce volume, c'est le volume numéro 24, c'est le recueil concernant la suite du chapitre de la science est suivi du chapitre du At-Tafsir, qui est le commentaire, l'exégèse du Coran. Et At-Tafsir, il a comme synonyme un mot qui était employé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est At-Ta'wil, dans son véritable sens original. At-Ta'wil, cité, veut dire le tafsir, l'explication. Plus tard, ce terme sera employé par des sectes égarées qui vont employer ce terme qui est reconnu et qu'on retrouve dans les textes coraniques et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pour dévier les gens, pour tromper les gens. Ils changent les mots d'une chose en pensant que ça va changer la réalité. Ça ne change en rien la réalité, mais ce sont des méthodes mauvaises qui sont employées par certains. Donc, ce qu'ils emploient, eux, comme tahrif, qui est d'altérer le sens véritable des textes, ils l'ont appelé ta'wil. Et en pensant que cela est demandé. Mais en réalité, les ulama de la sunna vont démontrer et prouver que leur agissement en réalité n'est que du tahrif, de l'altération. Ils éloignent du véritable sens voulu dans les textes religieux. Amma at-ta'wil, dans les textes, lorsqu'il est employé, il est voulu par là at-tafsir, qu'on connaît, qui est le commentaire. Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la dua à son petit cousin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, Allahumma faqqihhu fid-din Allahumma 'allimhu at-ta'wil wa faqqihhu fid-din. Oh Allah, fais-lui connaître de lui la connaissance de l'explication des versets coraniques, 'allimhu at-ta'wil wa faqqihhu fid-din, et donne-lui la bonne compréhension de la religion. Un grand imam du tafsir, on l'appelle même imam al-mufassirin, l'imam des exégètes, des savants du tafsir, qui est l'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullahu ta'ala. Son grand commentaire du Coran, qu'on appelle tafsir al-Tabari, il s'appelle comment ? Jami' al-Bayan fi ta'wil ayy al-Quran. Fi ta'wil, dans le sens fi tafsiri. C'est-à-dire le commentaire de Ay, Ay qui est un des pluriels de Ayah. Ayatun, on dit Ayat, et on dit aussi Ay. Alif Memdouda avec un Ya. Ay qui est aussi le pluriel de Ayah. Donc, dans le grand chapitre du Tafsir, le Cheikh Ibn Baz, alayhi rahmatullah, répond à des questions qu'on lui demande. On le questionne sur l'explication de versets coraniques. Et parmi les versets commentés, on va en choisir certains. Il y a تفسير à la page 190 تفسير قول الله يسألونك عن الأهلة. Le commentaire de la parole d'Allah تبارك وتعالى. Il te questionne sur les nouvelles lunes. Et les nouvelles lunes, à l'apparition, c'est un croissant. Le début du croissant de lune. Et donc le cheikh Hafiz Rahimahullah va répondre à cette question. ما معنى قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. C'est quoi ce bruit ? قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ. Donc, la question est, quelle est la signification de la parole d'Allah le Très-Haut ? Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dit, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le Hajj, pour le pèlerinage. Le cheikh rahimahullah répond al-jawab, la réponse. يسألون عن الحكمة فيها. Il questionne sur la sagesse pour laquelle a été créé, ont été créées ces nouvelles lunes. La lune, pourquoi elle a été créée? Et quelle est la sagesse de cela? Ici, ça commence le verset par « Yes'alounaka » On te demande. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui est arrivé d'être questionné, soit par les croyants, les membres de sa communauté, parfois par des gens du livre, comme les juifs, qui avaient en Arabie à l'époque, et parfois par les polythéistes, Quraysh par exemple, et ils n'avaient pas la réponse à leurs questions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui enseigne, ne sait que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui permet de connaître. Et c'est Allah qui a enseigné à l'homme toutes choses. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaq al-insan, allamahu al-bayan. C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et il dit aussi, allama al-insana ma lam ya'lam. Et ça c'est pour tous les gens. Lorsqu'ils savent, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. Il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Avant cela, il ne savait pas. Le prophète alayhi salatu wa sallam a été préservé de connaître le polythéisme. Bien qu'il a connu, il a grandi, il est né, il a passé son enfance, sa jeunesse dans une communauté qui était majoritairement polythéiste, mais lui ne l'a jamais été. Il ne connaissait pas les détails, les règles de la religion, mais il n'a jamais été attiré ni s'est approché du polythéisme. Alayhi salatu wassalam. Il a toujours été à l'écart de cela. Et lorsqu'il a atteint l'âge de 40 ans, alayhi salatu wassalam, il a commencé à s'isoler. Il allait dans la grotte qu'on appelle Gharu Hira, la grotte de Hira, alayhi salatu wassalam. C'est une erreur, ce que font certains parmi les pèlerins et les visiteurs qui vont à cette montagne qu'on appelle Jabal al-Nur et qui montent tout en haut pour atteindre cette grotte, la grotte de Hira. Ceci n'est pas demandé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir été prophète, il n'a pas été rapporté qu'il est retourné dans cette grotte. Ni ses compagnons, qui étaient plus à même, qui avaient le plus grand amour, et le plus grand suivi, et la plus grande obéissance envers le prophète, alayhi salatu wassalam, ne l'ont fait. Donc ceci amène à des innovations et des actions qui sont contraires à la législation islamique. Donc il s'isolait dans cette grotte jusqu'à qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoya vers lui son messager parmi les anges, Jibril alayhi as-salam, qui s'est présenté à lui et lui a apporté le début de la révélation du Coran. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu avec le temps, avec la révélation, les détails des lois d'Allah tabaraka wa ta'ala et la manière qu'il faut adorer Allah Azza wa Jal. Il nous faut adorer Allah seul, sans rien lui associer, mais il ne faut l'adorer que comme il a légiféré, subhanahu wa ta'ala. Et notre modèle et le meilleur enseignant là-dedans, c'est notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur homme, le meilleur homme sur terre, ne connaît pas si Allah ne l'informe pas. De même que Jibril alayhi salam, il est le meilleur ange aux cieux et il ne connaît que ce qu'Allah lui enseigne. C'est pour cela que dans le hadith de Jibril alayhi salam, lorsque Jibril en forme humaine pose des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit, « Fakhbirni anis sa'a, informe-moi sur l'heure, quand est-ce que l'heure va sonner, quand est-ce que la fin du monde va arriver. Qu'est-ce qu'il a répondu alayhi salatu wassalam? Mal mas'oul anha bi'a'lam min as-sa'il. Le questionné n'en sait pas plus que le questionneur. C'est-à-dire, ni moi, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ni toi, Jibril, alayhi salam, ne connaissent cela. Il n'y a qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, seul, qui connaît le moment où l'heure va sonner. Quand est-ce que va arriver la fin du monde? Donc, ça, c'est une croyance certaine chez le bon musulman. Contrairement à des sectes égarées qui donnent des points qui sont propres au Créateur, subhanahu wa ta'ala, à des créatures, et prétendent que des créatures ont des connaissances qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a donné à personne. Allah nous dit dans le Coran, « Alimul ghaybi, fala yudhiru ala ghaybihi ahada, illa man irtada min rasul. » Le connaisseur de l'ghayb, de l'inconnu, du futur, passé, présent, tout cela, celui qui a la science infime, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, personne n'est associé à lui là-dedans. Il n'en donne connaissance qu'à celui qui l'a élu ou qui l'a agréé parmi les messagers. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dit ô Mohammed, personne ni dans les cieux ni dans la terre ne connaît al-ghayb, ne connaît l'inconnu ou le futur, si ce n'est Allah, et ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils seront ressuscités. Et c'est pour cela qu'une des caractéristiques des croyants, c'est qu'ils ont la croyance et la foi en al-ghayb. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, alif lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Ça, c'est une des caractéristiques des croyants, c'est qu'ils croient aux choses de l'inconnu qui sont citées dans le Coran et dans les hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il n'y a pas d'étonnement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attende la révélation lorsqu'il n'a pas réponse aux questions. Et il y a plein de versets qui commencent par cette parole, yas'alunaka wa yas'alunaka, il te demande, il te questionne. Que dire lorsqu'on voit des gens croire que des personnes connaissent le futur, connaissent l'invisible, connaissent l'inconnu, des charlatans, des sorciers, ils leur donnent des statuts qui ne méritent même pas. Certains les appellent frères. Depuis quand ils sont faqih, ce sont les plus ignorants de la religion. Certains les appellent marabouts, ils n'ont rien de marabout. Le terme marabout, c'est un dérivé de l'arabe du terme murabit. Et en Mauritanie, dans le désert, et en Afrique de l'Ouest, les savants, dans le désert, ils s'arrêtent à un certain endroit, ils mettent sa tente, et ils restent à cet endroit-là, près des gens, pour leur enseigner la religion. Donc il fait le ribat et on l'appelle al-murabit. On l'appelle al-murabit. Le mot, il a été francisé, c'est devenu marabout. Dans ces pays-là, les gens, en disant marabout, ils veulent dire le savant, ils veulent dire le shir, et non pas le marabout dans le sens qu'on connaît, que les charlatans ont amené. Comme le terme frais au Maroc, ces charlatans, ils les appellent frais. Je vais chez le frais pour qu'il me fasse un sort. Wal'iyadhu billah. D'où il est fqih? Fqih, c'est al-faqih. Al-faqih, c'est celui qui a la connaissance, la compréhension du Coran et de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est celui à qui Allah a voulu du bien. C'est celui à le véritable faqih. C'est celui qui va vers Allah, azza wa jal, sur une clairvoyance et qui délaisse les choses de ce bas monde. Et non pas quelqu'un qui a vendu sa religion pour gagner un vil prix de ce bas monde. Wal'iyadhu billah. La sorcellerie, c'est de la mécréance. Wal'iyadhu billah. Et combien de membres de la communauté, comme certains savants disent, plus de la moitié de la communauté est touchée. Les gens sont handicapés presque, pratiquement. Physiquement, lorsqu'on les voit, ils n'ont rien. Ils n'ont aucun handicap. Mais ils sont incapables de vivre une vie normale. Ils sont incapables de travailler. Ils sont incapables de subvenir à leurs besoins ou aux besoins de leur famille. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce fléau, cette grande maladie qui est la sorcellerie, qui est répandue dans beaucoup de pays. Wal'iyadhu billah. Il faut s'en éloigner complètement. Et c'est contraire totalement de la religion de l'islam. L'islam est innocent de ces agissements. Et les ulama de la sunna ont toujours mis en garde contre cela. Les gens, ils sont attirés par l'horoscope, d'aller voir des devins. Ils veulent savoir quoi ? Il n'y a qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui sait ce qu'il y aura le lendemain. Il n'y a qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui sait ce que tu vas gagner ou acquérir le lendemain. Il n'y a qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui sait sur quelle terre tu vas mourir et quand est-ce que ta fin arrivera. Personne en dehors d'Allah Azza wa Jal ne sait. Donc, et surtout les femmes, elles sont attirées par ces choses-là. Wal'iyadhu billah. Ils vont demander à ceux qui sont dans l'incapacité de répondre à leurs demandes. Et ils délaissent le vivant qui ne meurt pas. Allah Azza wa Jal, lui qui est capable de toutes choses, lui qui est le créateur et qui pourvoit toutes ses créatures, c'est celui qui donne et qui prive. Il donne la mort, il donne la vie. Et toute la subsistance, c'est lui qui l'octroie. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui donne les enfants. Et c'est lui qui donne la richesse. Et c'est lui qui facilite. Personne en dehors de lui. Subhanahu wa ta'ala. Même pas le prophète, alayhi salatu wassalam. Même pas un ange. Que dire d'autre que eux? Il faut étudier le tawhid. Et il faut le vivre, le tawhid. Toute ta vie. Si tu veux être sauvé dans l'au-delà, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Préservez votre tawhid, le monothéisme, le véritable sens de la ilaha illallah. Nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Comment invoquer, adorer, vouer un culte à quelqu'un qui ne peut même pas amener un quelconque bien à sa propre personne, ni repousser un mal, et tu veux qu'il le fasse pour toi? Quelqu'un qui ne sait même pas ce qui va lui arriver, et tu lui demandes ce qui va t'arriver à toi, elle est où la confiance totale en Allah Azza wa Jal? On est l'esclave d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et non pas l'esclave des créatures. Mais celui qui quitte cette servitude qui doit être donnée à Allah, Azza wa Jal, voué à Allah, il devient le serviteur et l'esclave des créatures. Wallahu al-musta'an. Wa indahu mafatihul ghayb, la ya'lamuha illa hu. Et il possède, subhanahu wa ta'ala, les clés de l'ghayb. Ne les connaît que lui seul, subhanahu wa ta'ala. Qala alayhi salatu wa salam, mafatihul ghaybi khamsun, la ya'lamuhunna illa Allah. Thumma tala qawlahu ta'ala, inna allaha indahu ilmu ssa'a, wa yunazzilu l'ghayf, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsun, maza taksibu gada, wa ma tadri nafsun, bi ayyi ardin tamut, Inna Allah alimun khabir. Les clés de l'ghaib ne les connaît, ne les possède que Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset coranique. Allah appartient la connaissance de l'heure. Quand est-ce qu'elle va arriver? Quand est-ce le moment précis de la tombée ou de la descente de la pluie? Il sait ce qu'il y a dans les matrices, dans les ventres des mères. Nulle âme ne sait ce qu'elle va acquérir le lendemain. Et nulle âme ne sait sur quelle terre elle va mourir. Certes, Allah, il est le savantissime, celui qui a la science infuse, infinie. Et il est le bien informé. subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Donc, yas'aluna 'anil hikma fiha. Ils questionnent sur la sagesse de ces nouvelles lunes. يسأل الناس عن الحكمة لماذا وجدت الأهلة. Donc les gens demandent, questionnent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la sagesse, la raison pour laquelle il y a les nouvelles lunes. Donc pour nous qui sommes sur terre, de ce qu'on voit, on voit le début de l'apparition du croissant de lune, puis il commence à grossir jusqu'à être un croissant, puis jusqu'à être une demi-lune, puis jusqu'à être une pleine lune. Là, on est au plein milieu du mois, le 13 et le 14 et le 15, qu'on appelle Ayyamul Bidh, les jours blancs. On est en plein milieu du mois lunaire. Puis, la lune, elle commence à diminuer, jusqu'à être une demi-lune, jusqu'à être un croissant de lune, un fil, et elle disparaît pendant quelques jours. Puis il y a la nouvelle lune qui revient pour le nouveau mois. Donc il demande pourquoi, quelle est la sagesse de cela. فأخبرهم جل وعلا أنها مواقيت للناس والحج. Et Allah, exalté soit-il, nous donne l'information et la réponse à cette question en nous disant que c'est une chose qui est donnée aux gens pour compter le temps et aussi pour connaître la période du pèlerinage. Mawaqit ya'rifu biha an-nasu as-sinin wal-a'wam wal-hajj. Donc pour que les gens puissent connaître de par ces nouvelles lunes les années et connaître le moment du pèlerinage. Voilà la sagesse de sa création. Lorsqu'arrive, apparaît la nouvelle lune, les gens vont savoir l'entrée du mois et la sortie du mois. فإذا كمل 12 شهرا مضت السنة. Et lorsque 12 mois se sont écoulés, ils savent que une année s'est écoulée. Parce que auprès d'Allah Azza wa Jal, depuis qu'il a créé les cieux et la terre, il a décrété que l'année possède et comprend 12 mois. Comme Allah nous dit dans le Coran, inna 'iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Et ainsi de suite. وَيَعْرِفُ النَّاسِ بِذَلِكَ حَجَّهُمْ وَصَوْمَهُمْ وَمَوَاقِيتْ دُيُونِهِمْ وَعِدَدِ نِسَائِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِمْ. Avec cela, les gens vont connaître la période de leur pèlerinage, la période de leur jeûne, le jeûne du mois de Ramadan, et aussi les jours où il est recommandé de jeûner, et aussi la période où ils doivent s'acquitter de leurs dettes. Hein, s'ils disent, par exemple, tu me prêtes, je te rends dans 3 mois, il va savoir quand est-ce que les 3 mois vont s'écouler. De même que les femmes vont connaître leur période de viduité. Toutes les règles de l'islam qu'on vient d'entendre, la zakat et plein d'autres qui ont à voir avec le temps, c'est le calendrier lunaire qui est pris en compte. C'est le calendrier musulman qui est pris en compte. Donc la femme qui a une période de viduité, elle est divorcée, elle a encore ses menstrues, elle va compter les menstrues, elle n'a plus de menstrues, elle va compter en mois. La femme veuve dont le mari est décédé, elle a une période de 4 mois et 10 jours de viduité. Les 4 mois et 10 jours, comment elle va les compter? Selon les mois lunaires. Donc pour plein de bienfaits des gens, dans leur vie d'ici-bas, dans leur relationnel, ils ont besoin de connaître cela. Donc voilà la sagesse pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé et nous a mis les nouvelles lunes. Tayyib. À la page 193, une autre question est posée au Cheikh rahimahullah ta'ala. تفسير قوله تعالى الحج أشهر معلومات. L'explication, le commentaire de la parole d'Allah le Très-Haut, le Hajj, le pèlerinage a lieu dans des mois bien connus. السؤال, la question. نسأل فضيلتكم عن معنى قول الله سبحانه الحج أشهر معلومات الآية. جزاكم الله خيرا. Donc la question, on demande à votre excellence la signification de la parole d'Allah exalté soit-il, le Hajj se déroule durant des mois bien connus et qu'Allah vous récompense de la bonne manière. El jawab, la réponse. يقول الله سبحانه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Allah nous dit dans le sens du verset, le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on décide de l'accomplir, alors point de rapport charnel, de relation intime avec son épouse, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait, et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi, craignez-moi, ô doué d'intelligence. معنى الآية, la signification du verset. أن الحج يهل به في أشهر معلومات. C'est que le pèlerinage débute, a lieu pendant des mois bien connus, bien précis. وهي شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة. Et c'est cette période, ces mois bien connus du Hajj, c'est le 10e, le 11e et les 10 premiers jours du 12e mois du calendrier musulman, c'est-à-dire les mois de Shawwal, de Dhul-Qa'dah et de Dhul, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. هذا هو المراد بالآية. Voilà ce qui est voulu par ce verset. C'est-à-dire, le Hajj, en résumé, il y a trois rites connus. Et l'un qui est meilleur, et certains voient que c'est celui-là qu'il faut faire. On a ce qu'on appelle l'Ifrad. Et l'Ifrad, c'est de faire le Hajj tout seul. Il n'y a pas de Umrah, sans Umrah. Un état de sacralisation que pour le Hajj. La personne, elle vient et elle accomplit son pèlerinage seulement. Il y a ce qu'on appelle Al-Qiran. C'est de faire la Umrah et le Hajj avec le même état de sacralisation. La personne, elle arrive, elle se met en état de sacralisation pour la Umrah et le Hajj. Il fait la Umrah, il reste en état de sacralisation jusqu'à la période du Hajj et il fait aussi le Hajj. Et il y a le troisième, At-Tamattu', et c'est le meilleur à faire, c'est d'accomplir la Umrah et le Hajj avec deux états de sacralisation, deux ihram. La personne arrive, elle se met en état de sacralisation pour la Umrah. Une fois la Umrah terminée, elle se désacralise. Puis, elle se mettra à nouveau en état de sacralisation lorsque le moment précis du Hajj commence. Là, c'est ce qu'on appelle « at-tamattu' » et c'est le meilleur à faire. Donc, si une personne, à partir du premier jour de Shawwal, et Shawwal, c'est le mois qui vient juste après le mois de Ramadan, à partir du premier jour de Shawwal, il peut partir pour le Hajj. Il peut partir pour le Hajj. Il est dans la période du Hajj. Donc, il pourra y aller. Il va faire la Umrah. Il se désacralise et il attendra. C'est long, près de 2 mois d'attente pour accomplir le pèlerinage. Depuis ce moment-là, c'est-à-dire depuis le premier Shawwal jusqu'au jour précis du Hajj, qui sont du 8 au 13 de Dhul-Hijjah, la personne peut partir pour le pèlerinage. C'est pour ça qu'Allah a dit « Al-Hajju ashhurum ma'lumat ». Si quelqu'un fait Ramadan, il fait une Umrah, et il reste à Mecca. Et il dit, la Umrah que j'ai fait, elle va compter pour mon Hajj. Et je vais considérer que j'ai fait le Tamattu. Non. Parce que la Umrah, tu l'as accomplie en dehors des mois du pèlerinage. Et les mois du pèlerinage commencent à partir du premier de Shawwal. Voilà l'explication. Wassammaha ashhuran. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, a nommé cette période des mois au pluriel. En français, le pluriel commence à partir de 2. 1, c'est le singulier. À partir de 2, on est dans le pluriel. En arabe, 1, c'est le singulier. 2, c'est le duel. Et le pluriel ne commence qu'à partir de 3. Donc, pour la conjugaison, il y a une différence. Et là, Allah, tabaraka wa ta'ala, a nommé ces mois des mois au pluriel, alors que le cheikh nous explique qu'il n'y a que 2 mois et une partie du 3e mois, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Donc c'est un mois qui est incomplet. Donc il va nous expliquer cela. وَسَمَّاهَا أَشْهُرًا لِأَنَّ قَاعِدَةَ الْعَرَبِ إِذَا ضَمُّوا بَعْضَ الثَّالِثِ إِلَى الْإِثْنَيْنِ أَطْلَقُوا عَلَيْهَا إِسْمَ الْجَمِيعِ إِسْمَ الْجَمَعِ. Car il y a une règle chez les Arabes que lorsque ils prennent une partie de la 3e chose et qu'ils la ramènent à ces 2 choses, eh bien ils en font un pluriel. Ils le considèrent comme un pluriel. وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِ. Que celui qui a pris la décision, qui a décidé d'aller accomplir le pèlerinage, يعني أوجب الحج فيهن على نفسه, c'est-à-dire qu'il s'est rendu à sa propre personne le Hajj obligatoire pour lui. Il a pris cette décision de l'accomplir. بال إحرام بال حج فإنه يحرم يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال. Donc cette personne qui est entrée en état de sacralisation pour le pèlerinage durant cette période, devient interdit pour lui d'approcher son épouse, d'avoir des rapports avec son épouse, la perversité, les grossièretés, les mauvaises choses, et aussi la dispute et la polémique. وَالرَّفَثْ, qui est cité dans le verset, هُوَ الْجِمَاعْ وَدَوَاعِيهِ, c'est les rapports charnel, rapport sexuel entre l'homme et son épouse, et tout ce qui amène à cela, les préliminaires et autres, tout cela est interdit. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ بَعْدَمَا أَحْرَمَ. Dès qu'il s'est mis en état de sacralisation, ces choses lui deviennent interdites. C'est-à-dire que l'ihram, l'état de sacralisation, vient à t'interdire des choses qui, à la base, sont autorisées. C'est comme le premier takbir pour la salat. Quand on veut entrer dans la prière, on dit « Allahu Akbar ». Comment on appelle ce takbir ? Takbir à tout ? L'ihram. Ce takbir va te rendre des choses qui étaient autorisées, interdites, jusqu'à que tu fais le salam. Tu n'as pas le droit de sourire, rigoler. Tu n'as pas le droit de manger, de boire, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de faire beaucoup de gestes durant la prière. Pendant ce moment, jusqu'à que tu quittes la prière. Et à ce moment-là, ces choses-là qui t'étaient interdites pendant la prière redeviennent autorisées. Pareil pour le pèlerinage et la umra. On se met en état de sacralisation, des choses nous deviennent interdites. Jusqu'à qu'on ressort de cet état de sacralisation et ils nous redeviennent autorisés. Et ici, on parle de choses permises, comme pour le jeûne, Ramadan, ou, qui est obligatoire, ou autre jeûne, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, des choses qui t'étaient autorisées deviennent interdites durant le jeûne. On parle que de choses qui sont permises. Ce qui est interdit en dehors l'est encore plus à l'intérieur, subhanallah. Et il n'est pas question de cela, puisque le musulman est conscient que cela est interdit pour lui. Celui qui a une amie, et il dit, ne m'approche pas, je jeûne. Elle n'a pas le droit de t'approcher, que tu jeûnes ou que tu ne jeûnes pas. Subhanallah. Il va au hajj, je vais au hajj, tu ne m'appelles pas, tu ne me contactes pas. Elle n'a pas à te contacter. Que tu ailles au pèlerinage ou que tu restes chez toi. C'est la même chose. Subhanallah. Lorsqu'on parle de ce qui annule le jeûne, il n'y a pas besoin de citer la cigarette, de citer toutes ces choses-là qui sont consommées par les gens qui sont interdites, ou de citer l'alcool. Pourquoi ? Parce que ces choses sont interdites, que tu jeûnes ou que tu ne jeûnes pas, à la base. Il ne fait rien. Il ne parle pas de choses qui vont peut-être amener aux relations avec son épouse. Il s'éloigne de tout cela et de tout ce qui pourrait amener, être un moyen d'atteindre cela, il s'en éloigne tant qu'il est en état de sacralisation. Et il s'éloigne de toute perversité. Ce sont les désobéissances, les péchés. Kulluha, tous les péchés, il s'en éloigne. Min uquq al-walidayn wa qati'ati ar-rahim wa akl ar-riba wa akl mal al-yatim wal-ghiba wan-namima wa ghayr dhalika min al-ma'asi. Et il donne, le cheikh rahimahullah, quelques exemples de péchés. À titre d'exemple, la désobéissance, le mauvais comportement avec les parents, de rompre, de couper les liens de parenté, les liens de sang, de s'adonner à l'usure, les intérêts, de profiter des biens, des richesses et de l'argent, de l'orphelin, de la médisance, du colportage, un namima, de colporter les paroles des uns vers les autres, tout en sachant que cela va ramener de l'animosité et des conflits entre les gens, et plein d'autres formes de péché. Waljidal, la polémique, ma'na al-mukhasama wal-mumara bighayri haqq. Ce sont les disputes sans aucune raison valable. Fala yajuzu lil muhrim bil hajj ou bil umra ou bihima an yujadila bighayri haqq. Il est interdit à la personne qui est en état de sacralisation pour le pèlerinage ou pour la umra, ou les deux en même temps, de polémiquer sans aucune raison valable. Wa hakadha fil haqq la yanbaghi an yujadila fih bal yubayyinuhu bil hikma wal kalam at-tayyib fa idha tala al-jidal taraka dhalik. Et même s'il a raison, même s'il parle avec vérité, s'il voit que la discussion ne s'arrête pas et qu'elle va trop loin et qu'elle s'attarde, alors il arrête. Il dit la vérité avec exhortation, une parole bien dite avec sagesse et bonne exhortation, puis il arrête le sujet. Il stoppe le sujet. Ça ne sert à rien de rester trop longtemps là-dedans. ولكن لا بد من بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. Mais tout en disant la vérité et en prenant la vérité, cela accompagné par la sagesse, la bonne exhortation est de discuter de la meilleure des manières. وهذا النوع غير منهي عنه بل مأمور به. Et cette façon de faire correcte et sage, elle n'est pas interdite, elle est même demandée. في قوله سبحانه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. Comme Allah exalté soit-il et glorifié soit-il nous le dit dans le sens du verset, appelle vers le sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et discute avec eux que de la bonne manière. Donc, on va voir une autre question posée au Cheikh, rahimahullah ta'ala, qui est à la page 199. On n'aura pas assez de temps, donc on va faire la prochaine, qui est à la page, celle-là elle est longue, qui est à la page 248. تفسير قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Explication, commentaire de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Ils ne croient en Allah qu'en étant au même moment des polythéistes. السؤال لا question. يقول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فما معنى الآية وما المراد بالشرك في الآية الكريمة. La question dit, Allah élevé soit-il nous dit dans le sens du verset, et la plupart d'entre eux ne croient qu'en étant des polythéistes. Quelle est la signification de ce verset? Et qu'est-ce qui est voulu par le terme polythéisme dans ce noble verset? Al-Jawab, la réponse. قد أوضح العلماء معناها كابن عباس رضي الله عنهما وغيره. Les ulama ont bien clarifié, détaillé la signification de ce verset, comme il est rapporté de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ainsi que d'autres. Wa inna ma'naha, et sa signification est an al-mushrikin idha su'ilu amman khalaqa as-samawati wal-ardha wa man khalaqahum يقولون الله. Les polythéistes, les associateurs, lorsqu'ils sont questionnés, qui a créé les cieux et la terre et qui les a créés eux-mêmes, ils répondent c'est Allah, sans aucune hésitation. Jamais ils n'ont prétendu que les divinités en dehors d'Allah participent ou alors ce sont eux les créateurs. Jamais. Ils en ont la conviction certaine que c'est bien Allah Azza wa Jal qui a tout créé. Là-dessus, ils n'ont pas de problème. وَهُمْ مَعَ هَذَا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامُ وَالْأَوْثَانِ كَالَّاتِ وَالْعُزَّى وَنَحْوِهِمَا وَيَسْتَغِيثُونَ بِهَا وَيَنْظُرُونَ وَيَذْبَحُونَ لَهَا. Mais au même moment, alors qu'ils ont cette conviction, ils ont cette croyance, ils adorent les statues et les idoles, comme ces idoles qui sont connues qu'ils avaient à l'époque, Al-Lat, Al-Uzza, et d'autres similaires. Et lorsqu'ils sont, ils cherchent le secours et l'aide auprès d'eux, ils font des offrandes pour eux, des vœux pour eux, et ils immolent, égorgent des bêtes, ils sacrifient des bêtes pour eux. Et ceci, ce qui est cité, ce sont des actes parmi les actes d'adoration. Et toute adoration est rendue exclusivement qu'à un seul, l'unique et le seul, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donner une de ces adorations quelconques à autre que Allah, c'est tomber dans le grand polythéisme qui fait sortir du cercle de l'islam. Qu'Allah nous en préserve. فَإِيمَانُهُمْ هَذَا Leur foi qu'ils ont, Allah le dit, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ Ils ont une part de foi, ils ont une part de croyance. هُوَ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ La part qu'ils ont dans la croyance et dans la foi, c'est dans la seigneurie, dans les actes d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah, il est le seul et l'unique qui n'a pas d'associé. Qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il est l'unique dans la création, dans le pourvoiement de la subsistance. Il octroie la subsistance. Il donne la vie, il donne la mort. Il décide de toutes choses. Et il est le maître suprême, subhanahu wa ta'ala. Et à lui appartient l'ordre et le jugement. Là-dedans, al-rububiyya, ils l'ont. Vous voyez la gravité de certains qui, au nom du prêche, alors qu'ils en ont besoin, eux, du prêche, car ils ne connaissent pas la base même de l'islam. Ils ne connaissent même pas la foi en Allah, en quoi elle consiste, subhanallah. Celui qui vous trompe dans la croyance et le tawhid, vous attendez quoi de lui dans les autres questions ? Subhanallah. Et ils vous disent que la ilaha illallah, c'est qu'Allah, c'est lui qui a créé, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Personne ne dit le contraire. Personne ne dit le contraire. Et si la ilaha illallah signifiait cela, il n'y aurait jamais eu de combat, de bataille, de conflit entre les prophètes et leur peuple. Car si c'était ça la ilaha illallah, ils auraient mis leurs mains avec les mains des prophètes. Et ils auraient été d'accord avec les prophètes. La preuve que ce n'est pas cela qui est voulu par la parole de la ilaha illallah, bien qu'elle comporte cette partie de tawhid, al-rububiyya. Mais vous allez comprendre la suite. Donc, فَإِيمَانُهُمْ هَذَا هُوَ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ وَيَبْطُلْ وَيَفْسُدْ بِشِرْكِهِمْ بِاللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَنْفَعُهُمْ Mais il tombe. Il devient comme néant, inexistant. Et il est corrompu. À cause de quoi ? De leur idolâtrie. Du fait qu'ils ont associé à Allah. À cause de leur polythéisme. Qu'ils ont associé à Allah, élevé soit-il. Et il ne leur sera d'aucune utilité et d'aucun bénéfice. Cette partie à elle seule du tawhid ne sera pas bénéfique. Parce que normalement, celui qui réfléchit convenablement et qui sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est le seul à créer, le seul qui donne la subsistance, la vie et la mort, le seul qui possède toutes choses, et que c'est vers lui qu'on retournera, subhanahu wa ta'ala, comment il peut se permettre de vouer un culte à autre que lui ? Cette divinité adorée en dehors de lui, qu'est-ce qu'elle a fait ? A-t-elle créé quelque chose ? Elle donne la vie, elle donne la mort ? Elle peut t'amener un bien ou te priver de, ou t'éloigner, t'écarter d'un mal ? Non. Pourquoi donc lui vouer un culte ? Le culte, il est voué à Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala rappelle aux hommes cette part, cette partie-là. C'est-à-dire, puisque vous reconnaissez cela, alors adorez Allah seul, sans rien lui associer. Sans rien lui associer. Subhanahu wa ta'ala. Fa Abu Jahl wa ashbahu yu'minun بأن الله خالقهم ورازقهم وخالق السماوات والأرض ولكن لم ينفعهم هذا الإيمان. أبو جهل, c'est l'exemple des idolâtres. C'est un des plus grands exemples dans le domaine du polythéisme et parmi les plus grands ennemis du monothéisme. Et c'est semblable. Ils avaient la croyance en Allah. Et ils avaient foi qu'Allah est bien leur créateur, celui qui leur donne la subsistance, celui qui a créé les cieux et la terre. Mais cela ne leur sera d'aucun bénéfice, d'aucune utilité. لأنهم أشركوا بعبادة الأصنام والأوثان. Car ils ont associé et sont tombés dans le polythéisme lorsqu'ils ont adoré les statues et les idoles. هذا هو المعنى عند أهل العلم. Voilà la signification de ce verset auprès des gens de science. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.